Automne à Lausanne. Au retour des vacances, c'est la douche froide. Les factures s'accumulent et les rentrées ne suivent pas. Chaque fois qu'elle se croit tirée d'affaire, un autre problème fait surface. Cette fois, c'est le contrôle trisannuel de la voiture qu'il va falloir passer, avec Dieu sait quels frais supplémentaires. Faustine ne tient pas plus que cela à l'argent, mais elle aimerait juste pouvoir payer les factures et qu'il en reste un peu pour se nourrir. Gilles refuse obstinément de parler déménagement, bien que la preuve soit faite par A plus B qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. S'il n'y avait que cela, Faustine ressasse ses frustrations en attendant que son époux veuille bien se décider à mettre en route le bébé promis. Devant le peu d'appétence de son mari pour la chose, à se demander si par hasard il ne serait pas... Elle décide de prendre le taureau par les cornes et rendez-vous chez des spécialistes de la bébête qui monte. Ils obtiennent une petite place dans un mois. À croire qu'ils ne sont pas les seuls en souffrance sur le marché du sexe. Heureusement ou malheureusement, c'est selon, le jeune couple n'a pas trop de temps pour l'introspection. D'abord, il s'agit de bosser et de remplir les temps morts entre le retour des vacances et le début du contrat de Faustine Schiffern, le chasseur de tête, le 13 septembre. Juste avant les vacances, elle avait placé une petite annonce proposant du secrétariat à domicile dans le journal de la région. Un matin, elle reçoit un coup de fil d'un client potentiel, Monsieur G, un ingénieur agronome spécialisé dans la gestion des ressources en eau en terre africaine. En clair, avec son équipe, ils apprennent aux paysans des villages à creuser et construire des puits afin de devenir autonomes. Cela requiert une logistique importante. Lorsqu'ils se rencontrent, G lui explique qu'il travaille pour l'EDFAE, Département fédéral des affaires étrangères, auquel il doit soumettre des rapports circonstanciés entre deux missions à l'étranger. Faustine est ravie, cela représente du travail ponctuel et une jolie manne à venir. Elle pourra sûrement inclure ses travaux dans son emploi du temps, malgré son boulot fixe. Elle se met aussitôt au travail sur le premier dossier. Créer des organigrammes avec les outils Word 5 qu'elle possède, ce n'est pas une mince affaire. Les heures se cumulent et l'expérience aussi. Lorsqu'elle présente le fruit de son labeur à son nouveau client, elle est bien accueillie. Monsieur G occupe une vieille ferme dont il a transformé la grange en bureau gigantesque. Il y fait un peu froid l'hiver, période privilégiée pour retourner travailler en Afrique. Il explique à Faustine qu'il cherche également quelqu'un de compétent pour un projet qu'il met en place sur du très long terme. Le hic, c'est qu'il faudrait accepter de n'être payé qu'à la fin du contrat. Et encore, si le projet rencontre le succès espéré, ce qui n'est pas garanti. Il est désolant que les employeurs, ici l'État dont on ne peut pas dire qu'il manque de moyens, usent de plus en plus de ce genre de combine pour faire des économies dans tous les domaines. Bientôt, c'est l'employé qui devra payer son employeur s'il veut travailler. Faustine ne se laisse pas séduire et décline l'invitation. Elle préfère un revenu assuré, aussi modeste soit-il. Ce mois de septembre 1993, le congrès annuel des alcooliques anonymes se déroule à Gré-Bérard. Le centre de rencontre comporte un ensemble de logements et de salles de conférences structurées autour d'un cloître, de sa chapelle et de son clocher de style néo-roman. Le tout est situé dans la campagne vaudoise, au paysage de cartes postales. S'y retrouvent plusieurs centaines de personnes, aussi bien des alcooliques que des alanons, conjoints d'alcooliques, et des alatines, enfants d'alcooliques. Gilles et Faustine sont inscrits à toutes les activités. Faustine n'ose pas proposer son témoignage devant un si grand public. Elle se contentera d'écouter celui des autres. Stéphane, toujours soigné aux oliviers, a néanmoins obtenu une permission le temps du week-end. Il en consacre une partie à ses filles et pour le reste assiste à quelques conférences. Au beau milieu du week-end, Gilles reçoit un appel de son agent immobilier. Celui-ci aurait éventuellement un client pour sa maison. Il a besoin de savoir jusqu'à quel montant il peut rabattre le prix de vente. Gilles est si content qu'il lui donne toute latitude. Tu parles d'une bonne nouvelle. La fin du souci est proche. Il ne peut s'empêcher d'y voir un signe du destin. Voilà qui est stimulant pour continuer à écouter les conférences et les témoignages. Faustine est particulièrement intéressée par les questions pratiques. Comment revenir à la vie normale quand on arrête de boire? Comment se comporter avec un conjoint qui redevient lui-même et, dans presque tous les cas, certainement plus celui qu'on a épousé? Que faire quand cette personne a décidé de reprendre sa vie en main, avec les erreurs de parcours que cela implique, proportionnelles au nombre d'années où il était hors circuit, où il a perdu contact avec la réalité? Lorsque l'un des époux s'est vu obligé de gérer la totalité du ménage alors que l'autre se perdait dans l'alcool, il lui est parfois difficile de partager les rênes et le pouvoir avec un compagnon sobre et lucide, désormais apte à faire face sans béquille. Les deux doivent s'adapter et réapprendre à se connaître, en considérant non plus leurs défaillances, mais la richesse de leur parcours qu'ils mettront désormais en commun. Faustine apprend que le conjoint d'un alcoolique est tout aussi dépendant et tout aussi malade que lui. La codépendance affective étant une maladie également, cela explique bien des comportements biaisés. Faustine espère trouver dans ses conférences et ses témoignages des éléments qui lui permettront de comprendre les dilemmes de son couple. Elle se promet de consacrer toute la vitalité et l'amour dont elle est capable pour que son mariage fonctionne. Faustine n'a peut-être pas toutes les réponses à la fin du week-end, mais avoir entendu les témoignages de tant de personnes qui étaient au fond du gouffre et qui s'en sont sorties l'a regonflée à bloc. C'est donc toute joyeuse qu'elle reprend le chemin de la maison. Charles, le détenu qui souhaitait arrêter de boire, les fait appeler un soir. Il aurait bien aimé participer à une séance. Gilles propose aussitôt de venir le retrouver. Le jeune homme passe l'été sur un alpage assujetti au pénitencier, mais situé au beau milieu de nulle part. Après plusieurs heures de route, Gilles et Faustine parviennent à trouver l'endroit. Il est clair que si on souhaite s'enfuir d'ici, il faut compter plusieurs jours de marche et une bonne boussole. Charles semble heureux de sa sobriété retrouvée. Il mène une vie saine avec deux ou trois autres vachers, à s'occuper du bétail, confectionner des meules de fromage et nettoyer les étables. Il fait goûter de la double crème à ses amis. Charles se pose beaucoup de questions quant à sa libération proche et son avenir. Il espère trouver en AA un soutien moral qui lui permettra de reprendre pied dans la vraie vie. Le couple tente de le rassurer en lui offrant de la littérature et en lui transmettant les coordonnées de Miroir. Il l'encourage à s'y rendre sans pour autant négliger les autres groupes, de façon à multiplier ses chances de rétablissement. Parmi tous les membres, il pourra se choisir un parrain. Gilles et Faustine sont bien placés pour savoir à quel point il est important de se sentir bien intégré. Mais pour cela, il faut se donner du temps en fréquentant les groupes jusqu'à trouver celui qui convient. Le 13 septembre, Faustine commence son nouveau travail chez Fern. Son patron, un très sympathique colonel à la retraite de l'armée suisse, est jeune encore et ambitieux. Faustine accomplit un travail de secrétariat pépère, le seul bémol étant un ordinateur archaïque qu'il faut traiter avec un extrême ménagement sous peine de grève illimitée. Elle finit néanmoins par le maîtriser. Les autres secrétaires du bureau, Mireille et Katia, sont des chic filles. Mireille, la cinquantaine joviale, a élevé seule ses quatre fils. Elle ne tarit pas d'anecdotes à ce sujet. Quant à Katia, jeune trentenaire ambitieuse, vivant dans un des rares châteaux du canton de Vaud recyclé en appartement privé, elle glose à loisir sur les aventures de ses colocataires et les fiestas qu'ils organisent. On peut dire que l'ambiance est bonne. La voiture de Faustine commençant à se faire vieille, c'est souvent Gilles qui accompagne sa femme le matin et vient la rechercher le soir. Elle a choisi de faire un 80% et de ne pas travailler le lundi afin de rester avec son mari. En octobre, Stéphane sort enfin des oliviers. Il est très heureux du résultat de sa cure, bien qu'une rechute sans gravité lui ait fait craindre de ne pas y arriver. C'eût été dramatique car pour lui, l'enjeu est de taille. Marina, sa femme et mère de ses enfants, n'est toujours pas réapparue. Personne ne sait si elle est retournée dans sa famille, au Brésil ou ailleurs, après son séjour au centre psychiatrique. Les services sociaux comptent donc sur le complet rétablissement du père et sa capacité à s'occuper de ses filles. Stéphane cherche du travail. Dans un premier temps, il effectue des tâches ponctuelles chez un réparateur d'instruments de musique installé dans le voisinage. Simultanément, il se fait engager par un membre alcoolique anonyme, fermier de profession. Là, il apprend à apprécier la vie au grand air et les travaux des champs. Tous les soirs, il fréquente les groupes en compagnie de Gilles et Faustine. Entre les groupes AA, la permanence et leur boulot respectif, ils sont tous bien occupés. Vincent, de son côté, participe à une majorité de séances, ainsi qu'aux soirées spaghetti chez ses amis. Sa compagne du moment a rompu, au motif qu'elle ne souhaite plus vivre avec un alcoolique, alors qu'elle buvait autant sinon plus que lui. Cela montre que la crainte de se remettre en question peut vous amener jusqu'à renoncer à l'amour. Forte de son expérience de femme accomplie, Faustine console leur nouvelle amie et lui explique, sans rire, le tréfonds de l'âme féminine. Quelle prétention à 36 ans! Mais pour l'heure et plus prosaïquement, Vincent rencontre quelques difficultés avec le chauffage de son studio. En voulant ramener sa cheminée lui-même, son propriétaire a projeté de la suie partout. Et c'est une sacrée cochonnerie à nettoyer. Subséquemment, le jeune jardinier est viré de chez lui début novembre, sous un prétexte futile. Gilles et Faustine l'accueillent à bras ouverts. Le canapé du salon est très confortable. Il peut dormir dessus aussi longtemps que nécessaire. On lui libère un placard et on partage les salles de bain. Ainsi s'organise la vie chez nos amis. Désormais, ils sont quatre à partager sous un même toit leurs rêves, leurs espoirs et leurs idées culinaires, parfois un peu audacieuses. Le jour du rendez-vous au cabinet de sexologie arrive enfin. Il fait un temps radieux. Faustine et Gilles se présentent à l'heure dite et sont reçus d'abord ensemble, puis séparément. Une heure après, ils ressortent gavés de bons conseils quant aux moyens de séduction, jeux évolutifs et exercices multiples aptes à relancer la machine d'efficience. Et bonne chance! Faustine aimerait tant y croire. Le soir même, profitant de l'absence de leur colocataire, ils s'attaquent au problème. Repas fin, mais aphrodisiaque, déshabillé affriolant, parfum d'ambiance, toute la panoplie y est. Et ça fonctionne! Gilles y va d'un bel enthousiasme au point qu'il meurtrit sa compagne. Mais on ne va pas se plaindre, n'est-ce pas, que la roue tourne enfin. L'ennui, c'est que la flamme s'éteint aussi vite qu'elle s'est allumée. Bientôt, son mari reprend ses distances. Or, pour Faustine, il en faudrait plus que cela pour que la tentative soit concluante. Elle est persuadée que cet unique essai est voué à l'échec. Devant l'apathie de son époux, elle prend sur elle et essaye de garder confiance. Les dimanches chez les beaux-parents deviennent pénibles. Elle aimerait pouvoir parler de ses problèmes avec sa belle-mère et sa belle-sœur, qu'elle tient toujours en haute estime, mais ces deux-là sont si imbus de leurs fils et frères qu'il est hors de question de proférer la moindre critique. Tu l'as voulu, tu l'as eu, point final. 15 jours plus tard, Faustine accuse un retard de règles. Est-ce que, enfin? Bien qu'elle soit quasi certaine, elle attend encore. Cela ne fait que 2 jours. Elle ne voudrait pas être déçue. Au 3e, elle fonce tout de même à la pharmacie. Le test est positif. Positif! Victoire! À midi, lorsque Gilles rentre du travail, elle lui montre le test. Ensemble, ils exultent, prennent des photos de la ligne bleue. Le soir, quand Vincent et Stéphane rentrent du travail, Faustine leur annonce la nouvelle en rougissant. Aussitôt, les deux hommes approchent une chaise et intiment. « Assieds-toi, ne bouge plus, on s'occupe de tout. »